Anthony, Obi-Wan et Anakin qui est sorti chez Panini Comics, et quelque chose me dit, vu ta note, que tu vas pas trop t'attarder. Non, alors, donc c'est écrit par l'un des architectes Star Wars du moment, donc Jar Soul. C'est une mini en 5, hein. Marvel continue sa démarche de proposer des mini en 5, enfin, ou des mini-séries, pas forcément en 5, mais sur l'univers Star Wars. Donc c'est dessiné par Marco Cecchetto, qu'on avait pu voir aussi sur une mini, c'était Les Ruines de l'Empire, il me semble, ouais, qui est sorti le prélude à l'épisode 7. Ouais, oui, qui n'était pas génial non plus. Bon, c'est clair. Donc ça coûte 13 euros, ça fait 112 pages et c'est sorti fin août. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, déjà, ça, d'un point de vue continuité, c'est intéressant, parce qu'on a l'impression que Marvel assume la prélogie. Donc bon, ça le mérite d'être souligné. Donc ça raconte, on est entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc Anakin vient juste d'être nommé Padawan d'Obi-Wan. Et on va les suivre en mission. Donc ils sont tous les deux en mission sur une planète. Alors une espèce de planète de glace. Donc ça fait un peu penser à Hoth, mais pas vraiment non plus. Enfin, une planète hyper enneigée. Et ils sont chargés d'enquêter, puis de résoudre un espèce de conflit qui dure depuis des années entre deux peuplades. Du coin, donc voilà, ça c'est le pitch. C'est pas hyper intéressant globalement, l'histoire est pas hyper passionnante. Je trouve dans cet univers Star Wars Marvel, il y a quelques concepts qui dénotent vraiment. C'était notamment le cas sur les premiers épisodes de Darth Vader, ce qui m'avait fait arrêter la série d'ailleurs. Là, pareil, on a des espèces. On tourne la page, puis il y a une espèce de zeppelin complètement uchronique qu'on pourrait revoir dans un univers steampunk qui apparaît. Donc, ça surprend un petit peu, bon, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ouais, graphiquement, je suis un peu déçu. Je trouve que Cecchetto se casse pas trop le popotin. Ouais, il est un peu enroulé, je trouve, notamment sur les fonds. Alors, le type s'est dit, on va faire ça sur une planète de glace, donc je vais mettre des fonds avec une tempête de neige partout. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Ouais, puis globalement, c'est pas vraiment transcendant, quoi. Après, il y a quelques bons points. Les personnages de Cecchetto sont toujours incroyablement beaux. Très bon point pour Obi-Wan. Alors, de par sa caractérisation, par Charles Soule et son dessin, il a une espèce de stature, de posture hyper, hyper imposante, mais très douce. Enfin, c'est très très bien trouvé. Très espèce de sagesse et de puissance, de guerrier. Enfin, il y a quelques scènes de combat, notamment sur la fin, où le type paraît complètement invincible. Donc, bon point pour cet aspect-là. J'aime bien la manière dont Charles Soule dépeint les Jedi comme des espèces de figures légendaires dont finalement pas tout le monde est au courant. Là, on se rend compte que les gens sur cette planète ne sont pas du tout au courant de l'existence des Jedi. C'est bien vu, c'est vraiment bien vu. Et puis, un petit discours sur l'interventionnisme. Qui, bon, c'est léger, mais ça a le mérite d'être là, donc c'est sympathique. Maintenant, voilà, je vais noter ça avec un petit E ouais, c'est honnête. Bon, si vous êtes fan de Star Wars et de cette période-là, allez-y, mais sinon, vous pouvez vraiment passer votre chemin. Il n'y a rien de. Vous loupez rien, voilà. Puis ça vaut, okay. Ouais, ça vaut 13 euros, donc bon. Ouais, le prix des mini-séries Star Wars, ouais, je sais pas. Ouais, bon. C'est du cartonné, 13 euros, bon, ça passe.